Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 7e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Géricault, suite. 4 novembre 1832. Passer la soirée et la nuit au désert de Saint-Jean, à prendre congé de nos excellents religieux, dont la mémoire nous accompagnera toujours. Le souvenir des vertus humbles et parfaites reste dans l'âme, comme le parfum des odeurs d'un temple que l'on a traversé. Nous remîmes à ces bons pères une aumône à peine suffisante pour les indemniser des dépenses que nous leur avions occasionnées. Ils comptèrent pour rien le péril que nous leur avions fait courir. Ils me prièrent de les recommander à la protection terrible d'Abou Gosh, que je devais revoir à Jérémie. Nous partîmes avant le jour, pour éviter l'importunité de la poursuite des Bédouins de Bethléem et du désert de Saint-Jean, qui ne se lassaient pas de me suivre et commençaient même à me menacer. À 8 heures du matin, nous avions franchi les hautes montagnes que couronne le tombeau des Maccabées. Et nous étions assis sous les figuiers de Jérémie, fumant la pipe et prenant le café avec Abou Gosh, son oncle et ses frères. Abou Gosh me combla de nouvelles marques d'égard et de bienveillance, il m'offrit un cheval que je refusai, ne voulant pas lui faire de cadeau moi-même, parce que ce cadeau aurait semblé une reconnaissance du tribut qu'il impose ordinairement aux pèlerins, tribut dont Ibrahim les a affranchis. Je mis sous sa sauvegarde les religieux de Saint-Jean, de Bethléem et de Jérusalem. J'ai su depuis qu'il était allé en effet les délivrer de l'obsession des Bédouins du désert. Il ne se doutait pas sans doute, alors que je lui demandais sa protection pour de pauvres religieux francs exilés dans ces montagnes, que 8 mois plus tard il enverrait implorer la mienne pour la délivrance de son propre frère, emmené prisonnier à Damas, et que je serais assez heureux pour lui être utile à mon tour. Le café pris, nos chevaux rafraîchis, nous repartîmes, escortés par l'immense population de Jérémie, et nous allâmes camper au-delà de Ramla, dans un superbe bois d'oliviers qui entoure la ville. Accablés de lassitude et sans vivre, nous fîmes demander l'hospitalité aux religieux du couvent de Terre Sainte. Ils nous la refusèrent comme à des pestiférés que nous pouvions bien être en effet. Nous nous passâmes donc de souper, et nous nous endormîmes au bruit du vent de mer jouant dans la cime des oliviers. C'est là que la Vierge, Saint Joseph et l'enfant passèrent la nuit dans la campagne en fuyant en Égypte. Ces pensées adoucirent notre couche. Parti de Ramla à 6 heures du matin. Venu déjeuner à Jaffa chez Monsieur Damiani. Un jour passé à nous reposer, et à préparer les provisions pour revenir en Syrie par la côte. Rien de plus délicieux que ces voyages en caravane quand le pays est beau. Que les chevaux bien reposés marchent légèrement au lever du jour, sur un sol uni et sablonneux, que les sites se succèdent sans monotonie, que la mer surtout, qui nous envoie au visage la fraîche ondulation de l'air produite par ces vagues souples et régulières, se déroule verte ou bleue au pied de votre cheval, et vous jette par moments les gouttes poudreuses de son écume. C'est le plaisir que nous éprouvions en longeant le charmant golfe qui sépare Caïfa de Saint-Jean d'Acre. Le désert, formé par la plaine de Zabulon, est caché à droite par les hautes touffes de roseaux et par la cime des palmiers qui sépare la grève de la terre. On marche sur un lit de sable blanc et fin, continuellement arrosé par la vague qui s'y déplie, et y répand ses nappes blanches et cannelées. Le golfe, enfermé à l'orient par la haute pointe du Cap Carmel surmonté de son monastère, à l'occident par les blanches murailles en lambeaux de Saint-Jean d'Acre, ressemble à un vaste lac, où les plus petites barques peuvent se faire bercer impunément par les flots. Il n'en est rien cependant. La côte de Syrie, partout dangereuse, l'est davantage encore dans le golfe de Caïfa. Les navires qui s'y réfugient y jettent l'ancre, pour éviter la tempête, sur un fond de sable peu solide, sont fréquemment jetés à la côte. De tristes et pittoresques débris l'attestaient trop à nos regards. La plage entière est bordée de carcasses de vaisseaux naufragés, à demi ensevelis dans le sable. Quelques-unes montrent encore leur haute proue fracassée, où les oiseaux de mer font leur nid. Beaucoup ont seulement leur mât hors du sable. Ces arbres immobiles et sans feuillage ressemblent à ces croix funèbres que nous plantons sur la cendre de ceux qui ne sont plus. Il y en a qui ont encore leur vergue et leur cordage, rouillés par la vapeur saline de la mer, pendant autour des mâts. Les Arabes ne touchent pas à ces ruines de bâtiments naufragés. Il faut que le temps et les tempêtes diverses chargent seuls d'accomplir leur dégradation, ou que le sable les ensevelisse jour à jour. Nous vîmes là, comme presque dans toutes les autres mers de Syrie, comment les Arabes pêchent le poisson. Un homme, tenant un petit filet replié, élevé au-dessus de sa tête et prêt à être lancé, s'avance à quelques pas dans la mer, et choisit l'heure et la place où le soleil est derrière lui, et illumine la vague sans l'éblouir. Il attend les vagues qui viennent, en s'amoncelant et en se dressant, fondre à ses pieds sur l'écueil ou sur le sable. Il plonge un regard perçant et exercé dans chaque écume, et s'il aperçoit qu'elle roule du poisson, il lance son filet au moment même où elle se brise et entraînerait ce qu'elle apporte avec son reflux. Le filet tombe, la vague se retire, et le poisson reste. Il faut un temps un peu gros pour que cette pêche ait lieu sur les côtes de Syrie. Quand la mer est calme, le pêcheur n'y découvre rien. La vague ne devient transparente qu'en se dressant au soleil à la surface de la mer. L'odeur infecte des champs de bataille nous annonçait le voisinage d'Acre. Nous n'étions plus qu'à un quart d'heure de ces murs. C'est un monceau de ruines. Les dômes des mosquées sont percés à jour, les murailles crénelent les d'immenses brèches, les tours écroulées dans le port. Elle venait de subir un siège d'un an, et d'être emportée d'assaut par les 40 000 héros d'Ibrahim. On connaît mal en Europe la politique de l'Orient. On lui suppose des desseins, elle n'a que des caprices. Des plans, elle n'a que des passions. Un avenir, elle n'a que le jour et le lendemain. On a vu dans l'agression de Mehemet Ali la préméditation d'une longue et progressive ambition. Ce ne fut que l'entraînement de la fortune, qui, d'un pas à l'autre, le mena presque involontairement jusqu'à ébranler le trône de son maître et à conquérir une moitié de l'Empire. Une chance nouvelle peut le conduire plus loin encore. Voici comment la querelle naquit. Abdallah, pacha d'Acre, jeune homme inconsidéré, passé au gouvernement d'Acre par un jeu de la faveur et du hasard, s'était révolté contre le grand seigneur. Vaincu, il avait imploré la protection du pacha d'Égypte, qui avait acheté sa grâce du divan. Abdallah, oubliant bientôt la reconnaissance qu'il devait à Mehemet, refusa de tenir certaines conditions jurées dans le temps de son infortune. Ibrahim marche pour l'y forcer, il éprouve à Acre une résistance imprévue. Sa colère s'irrite. Il demande à son maître des troupes nouvelles, elles arrivent, et sont de nouveau repoussées. Mehemet Ali se lasse, et rappelle son fils de tous ses vœux. L'amour propre d'Ibrahim résiste, il veut mourir sous les murs d'Acre, ou la soumettre à son père. Il enfonce enfin, à force d'hommes sacrifiés, les portes de cette ville. Abdallah, prisonnier, s'attend à la mort. Ibrahim le fait venir sous sa tente, lui adresse quelques sarcasmes amers, et l'expédie à Alexandrie. Au lieu du cordon ou du sabre, Mehemet Ali lui envoie son cheval, le fait entrer en triomphe, le fait asseoir à ses côtés sur le divan, lui adresse des éloges sur sa bravoure et sa fidélité au sultan, lui donne un palais, des esclaves, et d'immenses revenus. Abdallah méritait ce traitement par sa bravoure. Renfermé dans Acre avec 3000 Osmanlis, il avait résisté un an à toutes les forces de l'Égypte par terre et par mer. La fortune d'Ibrahim, comme celle de Napoléon, avait hésité devant cet écueil. Si le grand seigneur, en vain sollicité par Abdallah, lui avait envoyé quelques 1000 hommes à propos, ou avait seulement lancé sur les mers de Syrie 2 ou 3 de ces belles frégates qui dorment inutilement sur leurs ancres devant les caïques du Bosphore, c'en était fait d'Ibrahim. Il rentrait en Égypte avec la conviction de l'impuissance de sa colère. Mais la porte fut fidèle à son système de fatalité. Elle laissa s'accomplir la ruine de son pacha. Le boulevard de la Syrie fut renversé, et le divan ne se réveilla que trop tard. Cependant Mehemet Ali écrivait à son général de revenir, mais celui-ci, homme de courage et d'aventure, voulut tâter jusqu'au bout la faiblesse du sultan et sa propre destinée. Il avança. Deux victoires éclatantes et mal disputées, celle de Homs en Syrie et celle de Konya en Asie mineure, le rendirent maître absolu de l'Arabie, de la Syrie, et de tous ses royaumes de Pont, de Bithynie, de Cappadoce, qui sont aujourd'hui la Caramanie. La porte pouvait encore lui couper la retraite, et, débarquant des troupes sur ses derrières, reprendre possession des villes et des provinces, où il ne pouvait laisser des garnisons suffisantes. Un corps de 6000 hommes, jeté par elle dans les défilés du Taurus et de la Syrie, faisant d'Ibrahim et de son armée une proie, l'emprisonnait dans ses victoires. La flotte turque était infiniment plus nombreuse que celle d'Ibrahim, ou plutôt la porte avait une flotte immense et magnifique, Ibrahim n'avait que 2 ou 3 frégates. Mais, dès le commencement de la campagne, Khalil Pacha, jeune homme aux mœurs élégantes, favori du grand seigneur, et nommé par lui capitaine Pacha, s'était retiré de la mer devant les faibles forces d'Ibrahim. Je l'avais vu, de mes yeux, quitter la rade de Rhodes et s'enfermer dans la rade de Marmorisa sur la côte de Karamani, au fond du golfe de Makri. Une fois avec ses vaisseaux dans ce port dont la passe est prodigieusement étroite, Ibrahim, avec 2 bâtiments, pouvait l'empêcher d'en sortir. Il n'en sortit plus en effet, et tout l'hiver, où les opérations militaires furent les plus importantes et les plus décisives sur les côtes de Syrie, les vaisseaux d'Ibrahim parurent seuls sur ces mers, et lui transportèrent sans obstacle des renforts et des munitions. Et cependant Khalil Pacha n'était ni traître ni sans valeur. Mais ainsi vont les affaires d'un peuple qui demeure immobile quand tout marche autour de lui. La fortune des nations, c'est leur génie. Le génie des musulmans tremble maintenant devant celui du dernier de ces pachas. On sait le reste de cette campagne, qui rappelle celle d'Alexandre. Ibrahim est incontestablement un héros, et Mehemet Ali un grand homme, mais toute leur fortune repose sur leurs 2 têtes. Ces 2 hommes de moins, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus d'empire arabe, il n'y a plus de Maccabée pour l'islamisme. Et l'Orient revient à l'Occident par cette invincible loi des choses qui porte l'empire là, où est la lumière. Même date, le sable qui borde le golfe de Saint-Jean d'Acre devenait de plus en plus fétide. Nous commencions à apercevoir des ossements d'hommes, de chevaux, Deux chameaux, roulés sur la grève et blanchissant au soleil, lavés par l'écume des vagues. À chaque pas, ces débris amoncelés se multipliaient à nos yeux. Bientôt toute la lisière, entre la terre et les falaises, en parut couverte, et le bruit des pas de nos chevaux faisait partir à tout moment des bandes de chiens sauvages, de hideux chacals et d'oiseaux de proie, occupés depuis 2 mois à ronger les restes d'un horrible festin que le canon d'Ibrahim et d'Abdallah leur avait fait. Les uns entraînaient en fuyant des membres d'hommes mal ensevelis, les autres des jambes de chevaux où la peau tenait encore. Quelques aigles posés sur des têtes osseuses de chameaux s'élevaient à notre approche avec des cris de colère, et revenaient planer, même à nos coups de fusil, sur leur horrible proie. Les hautes herbes, les joncs, les arbustes du rivage, étaient également jonchés de ces débris d'hommes ou d'animaux. Tout n'était pas le reste de la guerre. Le typhus, qui ravageait Akron depuis plusieurs mois, achevait ce que les armes avaient épargné. Il restait à peine 12 à 1500 hommes dans une ville de 12 à 15 000 âmes, et chaque jour on jetait hors des murs ou dans la mer les cadavres nouveaux, que la mer rejetait au fond du golfe, ou que les chacals déterraient dans les champs. Nous arrivâmes jusqu'à la porte orientale de cette même malheureuse ville. L'air n'était plus respirable. Nous n'entrâmes pas, mais tournant à droite, le long des murs écroulés où travaillaient quelques esclaves, nous traversâmes le champ de bataille dans toute son étendue, depuis les murs de la ville jusqu'à la maison de campagne des anciens pachas d'Acre, bâtie au milieu de la plaine, à 1 ou 2 heures du bord de la mer. En approchant de cette maison de magnifique apparence, et flanquée de kiosques élégants d'architecture indienne, nous vîmes de longs sillons un peu plus élevés que ceux que la charrue trace dans nos fortes terres. Ces sillons pouvaient avoir 1/2 lieue de long sur à peu près autant de large, le dos du sillon s'élevait à 1 ou 2 pieds au-dessus du sol. C'était la place du camp d'Ibrahim, et la tombe de 15 000 hommes qu'il avait fait ensevelir dans ses tranchées sépulcrales. Nous marchâmes longtemps avec difficulté sur ce sol, qui recouvrait à peine tant de victimes de l'ambition et du caprice de ce qu'on appelle un héros. Nous pressions le pas de nos chevaux, dont les pieds heurtaient sans cesse contre les morts et brisaient les ossements que les chacals avaient découverts, et nous allâmes camper à environ 1 heure de cet endroit funeste, dans un site charmant de cette plaine, tout arrosé d'eau courante, tout ombragé de palmes d'orangers et de limoniers doux, hors du vent de Saint-Jean d'Acre, dont les émanations nous poursuivaient. Ces jardins, jetés comme une oasis dans la nudité de la plaine d'Acre, avaient été plantés par l'avant-dernier Pacha, successeur du fameux Djezar Pacha. Quelques pauvres Arabes, réfugiés dans des huttes de terre et de boue, nous fournirent des oranges, des œufs et des poulets, nous dormîmes là. Le lendemain, Monsieur de la Royère put à peine se lever de sa natte et monter à cheval. Tous ses membres, engourdis par la douleur, se refusaient au moindre mouvement. Il sentit les premiers symptômes du typhus, que sa science médicale lui apprenait à distinguer mieux que nous. Mais le lieu ne nous offrant ni abri ni ressources pour établir un malade, nous nous hâtâmes de nous en éloigner avant que la maladie fût devenue plus grave, et nous allâmes coucher à 15 lieues de là, dans la plaine de Tyr, au bord d'un fleuve ombragé d'immenses roseaux, et non loin d'une ruine isolée qui semble avoir appartenu à l'époque des croisés. Le mouvement et la chaleur avaient ranimé Monsieur de la Royère. Nous le couchâmes sous la tente, et nous allâmes tuer des canards et des oies sauvages, qui s'élevaient, comme des nuages, des roseaux au bord du fleuve. Ces oiseaux nourrirent ce jour-là toute notre caravane. Le jour suivant, nous rencontrâmes, Sur le bord de la mer, dans un endroit délicieux, ombragé de cèdres maritimes et de magnifiques platanes, un aga turc qui revenait de la Mecque avec une suite nombreuse d'hommes et de chevaux. Nous nous établîmes sous un arbre auprès de la fontaine, non loin d'un autre arbre où l'aga déjeunait. Ses esclaves promenaient ses chevaux. Je fus frappé de la perfection de forme et de la légèreté d'un jeune étalon arabe de pur sang. Je chargeai mon drogman d'entrer en pourparler avec l'aga. Nous lui envoyâmes en présent quelques-unes de nos provisions de route et une paire de pistolets à piston. Il nous fit présent à son tour d'un yatagan de Perse. Je fis passer mes chevaux devant lui, pour amener la conversation d'une manière naturelle sur ce sujet. Nous y parvînmes, mais la difficulté était de lui proposer de me vendre le sien. Mon drogman lui raconta qu'un de nos compagnons de route était si malade, qu'il ne pouvait trouver un cheval d'une allure assez douce pour le porter. L'aga alors dit qu'il en avait un sur le dos duquel on pouvait boire le café au galop sans qu'il en tombât une goutte de la tasse. C'était précisément le bel animal que j'avais admiré, et que je désirais si vivement posséder pour ma femme. Après de longues circonvolutions de paroles, nous finîmes par entrer en marché, et j'emmenai le cheval, que j'appelai El Cantara, en mémoire du lieu et de la fontaine où je l'avais acheté. Je le montai à l'instant même pour achever la journée. Je n'ai jamais monté un animal aussi léger. On ne sentait ni le mouvement élastique de ses épaules, ni la réaction de son sabot sur le rocher, ni le plus léger poids de sa tête sur le mors. L'encolure courte et élancée, relevant ses pieds comme une gazelle, on croyait monter un oiseau dont les ailes auraient soutenu la marche insensible. Il courait aussi mieux qu'aucun cheval arabe avec qui je l'ai essayé. Son poil était gris perlé. Je le donnai à ma femme, qui ne voulut plus en monter d'autres pendant tout notre séjour en Orient. Je regretterai toujours ce cheval accompli. Il était né dans le Khorassan et n'avait que 5 ans. Le soir, nous arrivâmes au puits de Salomon. Le lendemain, de bonne heure, nous entrions à Saïd, l'antique Sidon, escorté par les francs du pays et par les fils de Monsieur Giraudin, notre excellent vice-consul à Saïd. Nous trouvâmes aussi à Saïd Monsieur Catafago, que nous avions connu à Nazareth, et sa famille. Il venait de bâtir une maison dans cette ville, et s'occupait des préparatifs du mariage d'une de ses filles. L'antique Sidon n'offrant plus aucun vestige de sa grandeur passée, nous nous livrâmes tout entiers aux soins aimables de Monsieur Giraudin, et au plaisir de causer de l'Europe et de l'Orient avec cet intéressant vieillard. Devenu patriarche dans la terre des patriarches, il nous présentait en lui et dans sa famille l'image de toutes les vertus patriarcales, dont il nous rappelait les mœurs dans ses mœurs. Le typhus se caractérise avec tous ses symptômes dans la maladie croissante de Monsieur de la Royère. Ne pouvant plus se lever pour monter à cheval, nous affrétons une barque à Saïd pour le transporter par mer à Beyrouth. Nous repartons avec le reste de la caravane, j'envoie un courrier à Lady Stanhope, pour la remercier des obligeantes démarches qu'elle a faites en ma faveur auprès du chef Abou Ghosh, et la prier de saisir les occasions qui se présenteraient d'annoncer mon arrivée prochaine aux Arabes du désert de Pka, de Baalbek et de Palmyre. 3 novembre 1832. Couché à une mauvaise masure antique, abandonné sur les bords de la mer, écris quelques vers pendant la nuit sur les pages de ma Bible. Joie d'approcher de Beyrouth après un voyage si heureusement accompli. Trouver en route un cavalier arabe porteur d'une lettre de ma femme. Tout va bien, Julia est florissante de santé. On m'attend pour aller passer quelques jours au monastère d'Antoura, dans le Liban, chez le patriarche catholique, qui est venu nous y inviter. À 4h après-midi, orage épouvantable. La calotte des nuages semble tomber tout à coup sur les montagnes qui sont à notre droite. Le bruit du fluet du reflux de ces lourds nuages contre les pics du Liban, qui les déchire, se confond au bruit de la mer, qui ressemble elle-même à une plaine de neige remuée par un vent furieux. La pluie ne tombe pas, comme en Occident, par gouttes plus ou moins pressées, mais par ruisseaux continus et lourds, qui frappent épaisse sur l'homme et le cheval comme la main de la tempête. Le jour a complètement disparu. Nos chevaux marchent dans des torrents mêlés de pierres roulantes et sont à chaque instant près d'être entraînés dans la mer. Quand le ciel se relève et reparaît, nous nous trouvons au bord du plateau des pins de Facardin, à une demi-lieue de la ville. La patrie est quelque chose pour les animaux comme pour les hommes. Ceux de mes chevaux qui reconnaissent ce site pour nous y avoir porté souvent, quoique accablés de 300 lieues de route, hennissent, dressent leurs oreilles, et bondissent de joie sur le sable. Je laisse la caravane défiler lentement sous les pins, je lance Liban au galop, et j'arrive, le cœur tremblant d'inquiétude et de joie, dans les bras de ma femme. Julia était à s'amuser dans une maison voisine avec les filles du prince de la montagne, devenu gouverneur de Beyrouth pendant mon absence. Elle m'a vu accourir du haut de la terrasse. Je l'entends qui accourt elle-même en disant « Où est-il? Est-ce bien lui ?» Elle entre, elle se précipite dans mes bras, elle me couvre de caresses, puis elle court autour de la chambre. Ses beaux yeux tout brillants de larmes de joie, élevant ses bras et répétant « Oh, que je suis contente, oh que je suis contente !» et revient s'asseoir sur mes genoux et m'embrasser encore. Il y avait dans la chambre deux jeunes pères jésuites du Liban en visite chez ma femme. Je n'ai pu de longtemps leur adresser un mot de politesse. Muets eux-mêmes devant cette expression naïve et passionnée de la tendresse d'âme d'un enfant pour son père, et devant l'éclat céleste que le bonheur ajoutait à la beauté de cette tête rayonnante, ils restaient debout, frappés de silence et d'admiration. Nos amis et notre suite arrivent, et remplissent les champs de mûriers de nos chevaux et de nos tentes. Plusieurs jours de repos et de bonheur passés à recevoir les visites de nos amis de Beyrouth, les fils de l'émir Béchir, descendus des montagnes, par l'ordre d'Ibrahim, pour occuper le pays, qui menace de se soulever en faveur des Turcs, sont campés dans la vallée de Nahr el-Kelb, à 1 heure environ de chez moi. 7 novembre 1832. Le consul de Sardaigne, Monsieur Bianco, lié depuis longues années avec ses princes, nous invite à un dîner qu'il leur donne. Ils arrivent vêtus de cafetans magnifiques, tissus en entier de fil d'or. Leur turban est également composé des plus riches étoffes de cachemire. L'aîné des princes, qui commande l'armée de son père, à un poignard dont le manche est entièrement incrusté de diamants d'un prix inestimable. Leur suite est nombreuse et singulière. Au milieu d'un grand nombre de musulmans et d'esclaves noirs, il y a un poète tout à fait semblable, par ses attributions, au barde du Moyen-Âge. Ses fonctions consistent à chanter les vertus et les exploits de son maître, à lui composer des histoires quand il l'appelle pour le désennuyer, à rester debout derrière lui pendant les repas pour improviser des vers, espèce de toasts politiques en son honneur ou en l'honneur des convives que le prince veut distinguer. Il y a aussi un chapelain ou confesseur maronite catholique qui ne le quitte jamais, même à table, et à qui seule l'entrée du harem est permise. C'est un moine à figure joviale et guerrière, tout à fait semblable à ce que nous entendons par aumônier de régiment. Le chapelain, à cause de son caractère ecclésiastique, est assis à table, le poète reste debout. Ces princes, et surtout l'aîné, ne paraissent nullement embarrassés de nos usages, ni de la présence des femmes européennes. Ils causent tour à tour avec nous, avec la même grâce de manière, le même à propos, la même liberté d'esprit, que s'il avait été nourri dans la cour la plus élégante de l'Europe. La civilisation orientale est toujours au niveau de notre civilisation, parce qu'elle est plus vieille, et originairement plus pure et plus parfaite. À un œil sans préjugé, il n'y a pas de comparaison entre la noblesse, la décence, la grâce sévère des mœurs arabes, turques, indiennes, persanes, et les nôtres. On sent, nous les peuples jeunes, sortant à peine de civilisation dure, grossière, incomplète, on sent en eux les enfants de bonne maison, les peuples héritiers de la sagesse et de la vertu antique. Leur noblesse, qui n'est que la filiation des vertus primitives, est écrite sur leur front et empreinte dans toutes leurs coutumes, et puis il n'y a pas de peuple parmi eux. La civilisation morale, la seule dont je tienne compte, est partout de niveau. Le pasteur et l'émir sont de même famille, parlent la même langue, ont les mêmes usages, et participent à la même sagesse, à la même grandeur de tradition, qui est l'atmosphère d'un peuple. Au dessert, les vins de Chypre et du Liban circulent à grands flots. Les Arabes chrétiens et la famille de l'émir Bochir, qui est chrétienne ou croit l'être, en boivent sans difficulté dans l'occasion. On porte des toasts à la victoire d'Ibrahim, à l'affranchissement du Liban, à l'amitié des Francs et des Arabes, puis enfin le prince emporte un haut d'âme présente à cette fête. Son barde alors se prit à improviser à l'ordre du prince, et chanta, en récitatif et à gorge déployée, des vers arabes, dont voici à peu près le sens. Buvons le jus d'Éden, qui enivre et réjouit le cœur de l'esclave et du prince. C'est du vin de ces plants que Noé a planté lui-même quand la colombe, au lieu du rameau d'olivier, lui rapporta du ciel le cep de la vigne. Par la vertu de ce vin, le poète un instant devient prince, et le prince devient poète. Buvons à l'honneur de ces jeunes et belles Francs qui viennent du pays où toute femme est reine. Les yeux d'une femme de Syrie sont doux, mais ils sont voilés. Dans les yeux des filles d'Occident il y a plus d'ivresse que dans la coupe transparente que je bois. Boire le vin et contempler le visage des femmes, pour le musulman c'est pécher deux fois, pour l'arabe c'est deux fois jouir, et bénir Dieu de deux manières. Le chapelain parut lui-même enchanté de ses vers, et chantait les refrains du barde en riant et en vidant son verre. Le prince nous proposa le spectacle d'une chasse aux faucons, divertissement habituel de tous les princes échecs de Syrie. C'est de là que les croisés rapportèrent cet usage en Europe. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.